Mireille Kanyangi. Dimanche 2 août, bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici le sommaire. Mettre en place des travaux pour enfants en situation de rue est l'une des mesures prévues par le maire de la ville de Bujumbura pour éradiquer le phénomène. Plus de 700 élèves ont abandonné l'école au cours de l'année scolaire 2019-2020 en province Changuzo. La ministre de la Communication native de cette province a appelé les parents à conjuguer beaucoup plus d'efforts. C'était lors de la journée communale, de la fête communale samedi. En international, la pandémie de coronavirus va probablement être très longue, prévient l'Organisation mondiale de la santé samedi à Genève. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Albert Ndouaïou. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour. Il s'observe encore des enfants en situation de rue dans la ville de Bujumbura, malgré la politique de l'État visant la réintégration familiale de ces enfants. Ils indiquent qu'ils sont venus vivre dans la rue à cause de la pauvreté dans leur famille. Certains de ces enfants avaient regagné les familles avant de retourner dans la rue suite aux problèmes dans les foyers. Le point avec Videl et Antoine Nsabimana. Nous sommes à l'avenue de la Grèce, tout près du restaurant Café Gourmand. Je m'entretiens avec des enfants de la rue qui marchent en groupe d'entre 3 et 5 enfants. Ces enfants témoignent qu'ils se sont retrouvés dans la rue pour des raisons différentes. Ils m'ont frappé chaque fois ma cousine le vol. Quand ils préparaient de la viande ou du riz, moi, ils me réservaient les patates douces et je dormais ventre vide. Je suis venu dans la rue parce que chez nous, il n'y avait pas à manger. Parmi ces enfants, il y a ceux qui sont rentrés et obligés de retourner dans la rue après l'échec de réintégration familiale. Blaise Dukundane, l'un de ses enfants. La fratrie de ma mère m'a haïssé et m'a chassé car elle ne voulait pas de moi. Mes oncles maternels nous pourchassent. Mon père déchirait mes cahiers pour la consommation du tabac. Parmi ses enfants, il y a ceux qui s'adonnent aux actes de banditisme, comme le confirme Asman Ramazani, un des enfants de la rue, rencontré à côté du librairie Saint-Paul. Il y a des voleurs. Si on est attrapé, on est emprisonné. Il n'y a pas de conseil mutuel car c'est l'objet des bagarres. Le gouvernement du Burundi avait lancé un projet d'intégration familiale de ses enfants il y a près de 3 ans. Un projet qui n'a pas atteint son objectif. Certains experts en matière de société trouvent que ce programme devrait commencer par la sensibilisation des familles d'accueil pour les faire comprendre l'intérêt de grandir dans une famille chez l'enfant. Fidèle d'Antoine Nsabimane, la mairie de Bujumbura dit envisager des corvées pour des enfants qui préfèrent rester dans la rue au lieu de vivre dans leur famille. Le maire de la ville de Bujumbura, commissaire de police Jimmy Hatungimana, précise que ces travaux seront destinés aux enfants plus âgés par rapport aux autres. Les plus petits seront encadrés dans des centres de rééducation. Il ajoute que ce sera le meilleur moyen de faire retourner facilement ces enfants dans leur famille. Suivez-le au micro de Francine Diokougaïo. Les enfants de la rue nous causent tellement de problèmes. Mais ce que nous allons faire, nous allons essayer de les faire rentrer chez eux. Je sais que c'est difficile, vous les faites rentrer chez eux et ils reviennent automatiquement après. Alors, nous allons essayer de sélectionner parmi ces enfants qui rentrent, ceux qui peuvent travailler. Nous devons leur faire des corvées. Et des corvées, avec les corvées, ils vont se dire que, écoutez, la capitale, c'est plus un endroit où il faut aller jouer. Ils vont pouvoir rentrer chez eux d'eux-mêmes. Et les plus jeunes d'entre ces enfants, on va essayer de les scolariser ou de les mettre dans un centre de rééducation pour qu'ils apprennent quand même ce qu'ils n'ont pas appris avec leurs parents. Parce que généralement, tu trouveras que ces enfants, ils vous diront que, bon, voilà, maman et papa se sont quittés, donc, et puis papa a amené une autre femme, donc je ne saurais pas vivre avec. Ce sont des petits problèmes. Alors, on va essayer de les mettre dans un centre. Ils vont apprendre comment vivre dans la société. Et finalement, avec cette rééducation, on va les faire rentrer chez eux étant déjà éduqués. Isanganiro, la radio de l'avenir. À 13h pile dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition par cette page éducation. La pauvreté dans les ménages, l'ignorance de l'utilité de l'école et les grossesses non désirées, telles sont les motifs expliquant l'abandon de scolaire de 721 élèves tant du fondamental que du post-fondamental en commune Changzhou durant l'année scolaire 2019-2020. Donc vous l'aurez entendu, c'est en commune Changzhou et non en province Changzhou comme je l'évoquais tantôt dans les titres. Cela a été dit donc samedi au moment où la commune Changzhou célébrait la fête communale. Le ministre de l'Éducation et des Médias, plutôt le ministre de la Communication et des Médias native de la commune Changzhou a demandé aux enfants appuyés de leurs parents d'avoir l'engouement de l'école, source de développement. C'est au moment où même à l'Université du Burundi s'observe des effectifs et d'étudiants très bas ressortissants de la commune Changzhou. Le point avec Raymond Mudende. Ce sont 721 élèves tant du fondamental que du post-fondamental qui ont abandonné l'école en commune Changzhou durant l'année scolaire 2019-2020. Au cours de l'exposé sur les réalisations accomplies en commune Changzhou, ce samedi, au cours de la fête communale, Irenda Ikengurukiye, présidente du conseil communal sortant, avance comme motif de ces abandons la pauvreté dans les ménages, l'ignorance de l'utilité de l'école et surtout les grossesses non désirées. Et même les effectifs d'étudiants dans les universités publiques restent toujours bas. Selon son président du conseil communal. Selon lui, c'est les 31 étudiants fréquents de l'université du Burundi à Bujumbura, tandis qu'un seul étudiant, toujours ressortissant de la commune Changzhou, fréquente le campus Bujumbura 6 à Changzhou. Face à tout cela, Nijimbere Marie Chantal, ministre de la Communication et des Médias, natif de la commune Changzhou, s'est associé à d'autres natifs de cette commune au cours de la fête communale, a fait un appel aux enfants appuyés de leurs parents de développer l'engouement de l'école source de développement. Signalons que 121 élèves du fondamental et du post-fondamental ont pu regagner le banc de l'école grâce à l'effort conjoint du conseil communal sortant de Changzhou et des comités de l'école en commune Changzhou. Depuis Changzhou, Raymond Mudende, Radio Isanganiro. Actualité internationale. En international, l'Organisation mondiale de la santé OMS réunie samedi à Genève a prévenu que la pandémie de coronavirus allait probablement être très longue. Le comité d'urgence de cette organisation, réuni depuis vendredi pour la quatrième fois pour réévaluer la pandémie, a souligné que sa durée allait être certainement très longue, a indiqué l'OMS dans un communiqué. Et c'est selon le site web de la RFI. L'OMS continue d'estimer que le risque posé par le COVID-19 est très élevé, ajoute le communiqué. Et le comité d'urgence composé de 18 membres et 12 conseillers. Le coronavirus, selon toujours l'RFI, a infecté au moins plus de 17 millions de personnes dans le monde et fait plus de 680 morts selon des comptes effectués par l'agence France Presse à partir des sources officielles. Et en Côte d'Ivoire, Didier Drogba a officiellement déposé samedi sa candidature à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Il a promis de contribuer à la renaissance du football ivoirien qui, selon l'ex-attaquant vedette de l'Olympique de Marseille et de Chelsea, va mal. Didier Drogba, après le dépôt des dossiers, la commission électorale dispose de 5 jours pour analyser et valider les différents dossiers de candidature. L'ancien capitaine de la Côte d'Ivoire doit faire face à la concurrence de Sori Diabaté et d'Idriss Diallo, vice-président de la Fédération ivoirienne de football. Revenons au pays. Les femmes cassant les pierres en gravier sur les rives de la rivière Gasegna en amont du pont situé sur la route nationale numéro 1 près du palais présidentiel, Nharerusha indique que ce travail leur permet de vivre, mais qu'il est très fatigant. Ces femmes font savoir qu'ils font tout pour remplir une benne de gravier et pour un salaire de 2500 francs par jour. Eh bien, nous reviendrons sur cet élément dans nos éditions de la soirée à 13h05. Eh bien, la technique m'a fait signe que l'élément dont je venais de vous parler est disponible. Eh bien, des femmes cassant des pierres en gravier sur les sites de la rivière Gasegna en amont du pont situé sur la route nationale numéro 1 près du palais présidentiel Nalerushati indiquent que ce travail leur permet de vivre, mais qu'il est très fatigant. Ces femmes font savoir qu'ils font tout un mois pour remplir une benne de gravier et pour un salaire de 2500 francs par jour. Le pont avec Charles Makote. Une petite roue d'une manche d'environ 40 cm à la main, Germaine Minani, une vieille dame qui ne se rappelle plus de son âge, le dos courbé, elle est assise à côté de la route où passent les bennes qui transportent différents matériaux de construction extraits dans la rivière Gasegni. Nous sommes en amont du pont situé près du palais présidentiel Nalerushati. Certaines de ces femmes portent des pierres pleines dans des paniers, d'autres sont en train de les transformer en gravier. La poussière au visage, Minane Germaine dit ne plus se souvenir de son âge ni du temps qu'elle vient de passer dans le concassage des pierres. Ça fait un bout de temps que je fais ce travail, mais je ne peux pas reconnaître par cœur combien d'années. J'ai été à Gasegni, à Bougadi, à Gikoma, et j'ai enfin retourné ici pour voir si la vie peut s'améliorer un peu. Par jour, on me paye 2500 francs. Et avec cette somme, je peux m'arranger pour manger de la pâte et des légumes. Moi, je suis veuve et je n'ai pas d'enfant, donc je vis seule. Tant que je suis en vie, malgré que je suis vieille, je casserai toujours ces pierres au lieu d'aller voler. Thérèse Ndindugwaha, d'une soixantaine d'années, indique que ce travail est très fatigant, mais qu'elle n'a pas eu d'autres alternatives. Je mène une vie difficile et je ne peux pas vivre sans rien faire. Alors j'ai été obligée de venir casser ces pierres. Mais c'est un travail trop fatigant. Mais nous devons le faire pour survivre. Un travail qui a permis à Angèle Hatungimana, âgée de 68 ans, de scolariser sa descendance après avoir perdu son mari. Selon moi, ce travail m'aide à pouvoir mes besoins car j'ai pu payer les frais de scolarité pour mes enfants et les nourrir. Et surtout quand j'étais à Gasegni. Je suis veuve depuis très longtemps et j'ai 6 enfants, mais grâce à ce travail, nous vivons bien. Une autre femme rencontrée sur le site dit que sortir de ce travail émanerait d'un miracle. Certaines des maisons situées près du site sont menacées des travaux d'extraction de ces matériaux de construction et les gabions qui ont été posés dans le lit de cette rivière pour diminuer le courant d'eau en cas de pluie s'est déjà effondré au fond de la rivière. Charles Makoto à 13h09 dans le studio de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Albert Andouaille qui assurait parfaitement la mise en onde. Une très bonne journée dominicale à tous et à tous. Au revoir. Mireille Kanyangi.